Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 112. J'espère que tout le monde va bien en cette journée plutôt lette du 23 décembre 2022. C'est presque Noël, la fête de Noël. J'avais-tu déjà dit que le curé de Saint-Joseph de Beauce, il disait Noël au lieu de Noël? Et puis, c'était à l'époque où est-ce que, tu sais, à la petite école, au primaire, je vais avoir 43 ans, ce dimanche d'ailleurs. C'est drôle, je vais pas s'en venir. Mais, donc, c'était à l'époque où est-ce que les curés allaient dans les classes du primaire et où il y avait une chapelle aussi dedans la polyvalente, une chapelle chrétienne. Il n'y a pas comme une église dans l'école, mais il y a un local transformé en dedans de église-ish. Je me demande même s'il n'y avait pas une confesse là-dedans ou une affaire. Puis des fois, le curé, il venait dans les classes, puis la fête de Noël. Et puis à chaque fois qu'il disait Noël, on était tous... on se retenait de rire, c'était malade. Alors, à chaque fois que le mot Noël se fait dire, moi, je pense à Noël puis au curé. Il était cool, le curé, quand même. Il était bien gentil. Fait que, mais ouais, fait longtemps que j'ai pas vu de curé, ça me fait penser. Mais c'est pas grave, hein? Ah non, je n'ai vu un il y a pas si longtemps. Maintenant, on voit rendu à mon âge, on voit des curés pour les décès, ce qui est un peu triste. Donc, et pas dans aucune autre, je verrai jamais de curé autre que pour des décès, maintenant que je pense à ça. Alors, le titre de curé va avec... Hey, c'est bien déprimant ce que je dis! On va arrêter ça là! Donc, c'est ça! Hey! Ça fait longtemps que j'avais pas fait de podcast, bien sûr, comme j'avais déjà mentionné dans des épisodes précédents. J'ai bien de la misère à m'organiser, à faire des podcasts le matin. Puis c'est le seul moment... Tu sais, comme j'ai pas mon équipement à maison, je travaille du bureau. Puis à maison, il faudrait que je m'enregistre avec mon sel. Mais là, ça remplit mon sel. J'ai des gros fichiers. J'ai de la misère à les transférer. Puis de toute façon, je pourrais pas les monter. Puis le soir, j'ai comme... Tu sais, j'ai ma journée dans le corps. J'ai été dans l'action puis tout ça. Puis pour être franc, ça me tente pas tant d'aller me rasseoir puis de parler tout seul pendant une heure et demie. Là. Quoique je le faisais pendant la COVID. Mais pendant la COVID, je travaillais ish dans le jour. Tu sais, la vie était bien différente. Donc là, ma vie est très remplie professionnellement. Fait que quand j'arrive le matin... J'aime ça, tu sais, commencer à travailler. J'ai beaucoup de choses à faire, puis je vais vous en parler un peu tantôt. Fait que c'est pour ça que je trouve un peu... je manque un peu de temps, tu sais. Mais là, je voulais au moins faire un épisode avant Noël, hein, bien sûr. Non, mais voilà. C'est une journée... c'est plate, là, parce qu'il annonce de la marde dehors, puis il y en a déjà. De la marde blanche, tu sais, qui tombe du ciel. Puis, mais là, c'est pas pire. Je suis arrivé au bureau, là, il est 8h45, je suis arrivé ici à 8h15, tu sais. Parce que mes enfants sont à maison. Moi, je fais les lunch le matin, j'ai pas besoin de faire de lunch. Ils sont à maison. Mon plus vieux, il a 14 ans, bon, lui, il s'organise. Le plus jeune, ben, il reste à maison. Mais ma blonde aussi, télétravaille de la maison. Fait que, j'ai pas besoin de m'en occuper. Fait que, je sais pas, je pogne le boss, comme d'habitude. Pas un chat sur les routes, pas un chat dans le boss. On fait un arrêt sur 3-4, puis whoop, je suis rendu au bureau en 2 secondes. Donc, c'est merveilleux. Yeah, je peux commencer la journée de bonheur. Ah, puis avec du café, c'est ça. Fait que, normalement, je suis même pas arrivé à cette heure-là encore. Ah, j'ai de l'avance. Fait que, ouais, par contre, c'est un peu plate, parce que là, ma soeur a la COVID, ça tout le monde dans sa famille. Fait que là, ils pourront pas être avec nous autres et mes parents à Noël. Fait que là, tu sais, on va être juste avec mes parents, c'est un peu plate, tu sais, dans notre famille, on a des traditions, des jeux, on fait des bingos, après on mange, après on fait le déballage, après ça, ci, ça. Tu sais, on fait la même affaire depuis que je suis petit chez ma grand-mère à Tetford. Et puis, on a continué ces genres de traditions-là jusqu'à maintenant. Puis là, 2 ans de COVID, on fait pas de Noël. Puis là, ben, là, c'était le temps de se retrouver, tu sais. Puis ma soeur, ils ont tout pogné à COVID. Et puis après ça, on va en Beauce. Et puis en Beauce, ben là, on est supposé être sur la route. Mais là, il y a plein de marde dehors. Fait que peut-être qu'on va rater Noël en Beauce aussi parce qu'on pourra pas prendre la route. Donc, c'est vraiment pourri, tu sais. C'est après 2 ans de COVID, c'est comme, viens, on revient, on se voit, tu sais, puis finalement, ouais, non. tout chie, la température, les maladies. Fait que je trouve ça déprimant, tu sais. On dirait que ça fait comme tellement longtemps qu'on n'a plus de célébration du genre en famille. On dirait que, je sais pas pour vous, là, mais je vois ma famille beaucoup moins qu'avant aussi. On va plus tant souper chez mes parents le dimanche, là, tu sais. Ma soeur, j'ai pas vu ma soeur depuis la dernière fois que j'ai vu un curé et que le père de son mari est décédé, en fait, donc voilà. Mais sinon, j'ai pas vu ma soeur depuis. Je suis pas allé dans la maison de ma soeur, à Saint-Hubert. Là. Pas vu. Pour ça que je vais au Game Over Saint-Hubert, des fois, ma famille est à Saint-Hubert. Mais c'est ça, j'ai pas vu ma soeur depuis. Je suis pas allé dans la maison de ma soeur depuis que la COVID existe. C'est fou, là. Mais c'est plate aussi, mes enfants, ils voulaient voir leurs cousins, tu sais, qui sont les enfants de ma soeur, qui sont rendus vieux, en fait, à l'université, puis l'autre va commencer le cégep, mais c'est ça. Donc, on va célébrer ça comme on peut chez mes parents, là, tu sais, mais ça jette une douche froide, mettons, sur les célébrations des fêtes. Fait que, OK. Ah oui, j'ai besoin de café un peu, là. Enfin, je me suis quand même couché tard parce que je suis rendu hooked à un jeu, puis je vais en parler tantôt. Puis un matin, je me suis réveillé à 6h30, puis j'ai pas réussi à me rendormir. Fait que je me suis dit, je vais en profiter, je vais arriver tôt au bureau, puis ça va me donner plus de temps pour enregistrer, puis être à l'aise, tu sais, puis pas être stressé. Fait que voilà. Donc, où est-ce que j'étais rendu dans ma vie, là, pour parler d'affaires? Je me rappelle plus trop, mais je peux parler du WEG un peu, donc le week-end gaming qu'on a fait il y a quelques semaines. Je rappelle que c'est une fin de semaine dans un chalet à Tremblant. On est une trentaine d'amis qui se réunissent. Et puis, on installe des stations de gaming partout, puis on fait le party. Puis maintenant, on fait ça du jeudi au dimanche, donc on se rajoute une journée, ce qui est parfait. Parce que avant on arrivait le vendredi, puis la première journée, t'es comme « Yeah! » Là, t'es stressé, tu bois, t'es comme « Ouais, ouais, ah, faut que je profite de tout, faut que je vois tout le monde, faut que je vois. » Puis là, tu sais, le samedi, tout le monde est décrisse, mais là, c'est pas grave, tu sais, café, on recommence à boire à 1h, puis à faire le party, yeah, yeah, yeah, puis dimanche, fini. Fait que là, une journée de plus, ça nous donne le temps de « Hey, t'as comme un cool-down, tu sais, t'es comme « Oh, tu prends ton temps, tu vas faire d'autres affaires, il y a des games de poker, il y a un spa, on a fait du ballon chasseur aussi à un moment donné, des dégustations de bière, de l'écoutage de films, donc il y a plein d'affaires qui se passent là, dans un WEG, et puis c'est fantastique, donc là, on peut en profiter pleinement. » Puis j'en ai profité, ça fait du bien quand même de voir les gens. Et puis, ben, en montant au WEG, on fait tout le temps, pas tout le temps, mais on s'en va à Tremblant, donc on passe dans le nord et puis on passe à côté de Saint-Jérôme, enfin, on arrête. Depuis les dernières années qu'on faisait des WEG, on arrêtait. Les deux dernières fois qu'on a fait des WEG, on a arrêté chez Souffle dans Cassette, aller voir Julien, parce que j'avais jamais vu la boutique, dans le fond. Avant, dans le temps, je l'avais jamais vu. Quand ils ont déménagé, on est arrêté une fois à Sainte-Sophie, à son ancienne place. Après, il a déménagé vraiment à Saint-Jérôme. On voulait aller voir ça. On a arrêté une autre année d'après. Puis là, ça a changé de propriétaire. Fait qu'on n'est pas retourné cette année. Pas parce que ça a changé de propriétaire. Parce qu'on l'avait déjà vu une couple de fois, cette place-là. Puis on est retourné au GameX. Parce qu'avant, c'était tout le temps au GameX qu'on arrêtait. Fait que Danny était là. On a jasé. Danny, propriétaire du GameX. Donc, très chic type. Ça fait longtemps qu'il est dans le game. Connaît bien du monde. Connaît ses affaires. Fait que c'était bien le fun d'aller là et puis de fouiller ses jeux de Super NES poche de marde, de sport et de cochonnerie, puis de libérer de ça. C'est ça qui est le fun pour moi maintenant, comme je veux faire le set Super NES, tu sais, puis le Feller, chaque place que je vais, je regarde le Feller. Ça me permet d'acheter des affaires encore, là, ça me donne un petit feeling, là, tu sais. Fait que ça, c'était bien appréciable, et puis, ouais. Puis sinon, quoi d'autre là-bas? Ah, écoute, j'ai terminé un jeu au Game Boy Advance, Pocky, Rocky and Becky. Vous savez, la série Pocky and Rocky au Super NES, qui est un twin stick shooter de Taito. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment le fun, c'est très japonais. Vous irez voir ça, vous avez jamais entendu parler de ça. Cool, cool jeu co-op. Il y a un Pocky and Rocky 2 au Super NES, ça vaut super cher. Puis il y a un Pocky and Rocky and Becky au Game Boy Advance qui vaut fucking cher. Et puis là, il y en a eu Pocky and Rocky Rich Rain sur Switch qui vient de sortir. Et puis il y a un autre jeu qui s'appelle Guardian. Pas Guardian Legion. Heavenly Guardian sur Wii et PS2. qui prend un personnage inspiré de Pocky and Rocky, puis ce personnage-là est devenu dans la série aussi. D'ailleurs, ils vont sortir un jeu de ça qui s'appelle Winter Princess machin. Là. Vous allez voir ça. Tout ça est bien bon. Fait que c'était bien le fun, le petit Pocky and Rocky en arrivant. On voulait essayer de mettre toutes les stations de gaming sur le même plancher, tu sais, parce que c'est pas un chalet en fait, c'est comme un gros pain de chalet séparé en plusieurs unités. Fait qu'on loue toutes les unités. Mais là, il y a des unités qu'on louait pas parce qu'elles étaient en rénovation encore. Puis on était un peu moins cette année. Puis on voulait concentrer le gaming. On a le chalet bouffe, où est-ce qu'on mange. Puis où est-ce qu'il y a de la TV, puis tout ça. Puis il y a des chalets qu'on fait juste dormir, tranquille. Puis il y a le chalet gaming. Puis on voulait mettre tout le plus de stations collées ensemble pour qu'on soit ensemble, tu sais, les gens. Parce qu'à un moment donné, cette affaire, ce projet-là, il prend tellement de proportions qu'il y a du monde que tu vois même pas de la fin de semaine. T'es 30, mais tu es comme, hey Mathieu, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Ah, on est dans le chalet là-bas, on fait. On joue au poker, on fait ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'on voulait plus de gaming, puis concentrer le monde. Puis c'était bien le fun. Puis il y a quelqu'un qui a amené son fight stick. J'ai pu jouer un peu à un genre de bêta de Street Fighter 6. Donc ça, c'était vraiment nice de jouer à ça. Et puis on avait acheté un keg aussi de Super Bros. Donc la bière de Rétro Montréal qu'on a faite avec l'espace public. Les gars, ils voulaient qu'on fasse ça. Donc, oui, on peut acheter un keg, t'achètes le keg, tu rapportes la consigne, c'est aussi simple que ça. Fait que l'espace public, c'est juste à côté ici de chez Retro Montréal, donc c'est vraiment une formalité d'aller chercher un keg. Par contre, ça le prend le setup pour pouvoir le boire, tu sais. Donc, j'ai oublié le nom, mais c'est un jockey, je pense, beer jockey, quelque chose de même. C'est comme une glacière dans laquelle il y a un élément, comme un tuyau de métal, t'sais, mince, mais très, très, très entortillé, là, si je peux dire, comme un très accordéon condensé. Là. Puis là-dedans, ce chose de. Faut que ça soit au froid. Faut que tu remplisses ça de glace. Mais nous autres, on n'avait pas de glace. Hein? Fait qu'on a sorti ça dehors, puis on a rempli ça à neige. Et puis, ça te prend une bonbonne de gaz aussi pour pousser la bière à travers toute cette tuyauterie-là dans la glacière et que ça sorte du robinet, puis que tu te coules ta bière. Donc, c'est comme ça que ça marche. Puis, donc, des gens, nous, avaient un contact chez Molson, en fait. Molson? Oui, chez Molson, qui nous ont donc fourni ce système-là, en plus d'une belle commandite de Miller Lite, des petites canettes, donc des 24 packs de petites canettes de Miller Lite. On en avait, là, il y en avait partout, là, tu sais, comme, je me suis amené de la bière, puis avec le cake et les petites Miller pour se reposer, j'ai presque pratiquement pas bu ma bière, là, tu sais, c'est vraiment fou. Fait que on avait de la misère à visser, on n'avait pas d'outils, tu sais, pour visser le gaz comme faut, pour que ça soit bien tête, pour que ça pousse. Fait que là, on a trouvé un gars un gars qui faisait des travaux, mais qui était hébergé dans une des unités, tu sais. On est allé cogner chez eux. Ouais, j'ai des outils, on a pu visser ça puis tout. Fait qu'on a pu avoir notre bière, on a dosé le gaz un petit peu mieux. Au début, ça broutait pas mal. Mais man, on s'est versé des belles pintes là, toute la fin de semaine. Puis on a fini samedi soir dans la nuit, ce beau keg-là. On a tout bu ça. Puis ça revient pas cher, là. C'est genre 200$, là, tu sais. Puis pour une soixantaine de pintes, peut-être plus. J'ai pas compté, mais il y en a eu en masse pour tout le monde. Fait que c'était un beau projet, ça. J'ai bien aimé ça. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Notre Super Brust, une Pale Ale à l'avoine de 5,5%. On avait déjà fait ça il y a une couple d'années quand la Nord-Est est sortie, puis on commençait à l'avoir chez Arcade Montréal pour la première fois. On s'était commandé un keg de Nord-Est, puis on avait amené ça là-bas. Tout le monde s'était jeté là-dessus. Puis la Nord-Est, c'est assez fort, là. Je pense que c'est 7 et plus de bière, d'alcool, je me rappelle plus. Tout le monde était torché. C'était pas tant une bonne idée. Mais c'est la deuxième fois qu'on faisait ça, puis là, le système de... Tu sais, il faut s'acheter ça, là. Un système de bière de même, là. On va se commander des trucs. Allez, c'est vraiment plaisant. Ça, l'affaire, c'est que c'est dur sur le système hein, de boire de la bière pendant autant de jours puis de manger juste de la scrap. C'est de la bonne nourriture fabriquée avec amour, mais pas beaucoup de légumes. Non, les seuls légumes que t'as, c'est la salade pour ton taco puis les oignons pour ton hot dog Michigan. Fait que, quand tu reviens, t'es comme, oh my god, faut que je me désintoxe, là. J'ai besoin de... Je veux manger une soupe. Je veux de la salade. Fait que, ouais, ça m'agane quand même. Ça m'agane. Je pense que je suis allé à SQDC pour la première fois de ma vie, acheter des trucs comme pour surprise là, pour quelqu'un. Puis, c'est compliqué, hein? Wow! C'est un projet. Moi, je pensais rentrer là-dedans, puis juste comme vaquer à mes occupations, là, les pancartes, checker les affaires. Non, non, ça roule, là, tu sais. Puis là, ils cartent à l'entrée. Faut que tu aies 21 ans, je crois. Chris, est-ce qu'ils cartaient à SAQ dans le temps, quand les SAQ ont commencé, là, tu sais? C'est un peu bizarre. Clairement que j'ai pas. J'ai un peu plus que 21 ans, là, tu sais. Fait que mes cartes systématiquement tout le monde, là, c'est comme oh, on vend de la drogue, faut carter tout le monde pour la drogue, tu sais, je trouvais ça un peu hardcore. Puis là, c'est ça, comme là, on s'est pris une petite conseillère, ce qui est fascinant déjà, les autres connaissent donc bien ça, le weed, ces enfants-là, cette fille-là dans mon 20 ans, comme faut le connaître le weed à la mort. OK. Fait que les sprays, les gélules, les bats, les pre-rolls, les affaires, l'huile. Ben, il y avait tellement d'affaires, j'arrivais pas à me décider. Là, j'avais envie de me prendre un spray, tu sais, THC, là, pour être euphorique, puis avoir du plaisir. Elle me dit, ouais, ça, je recommanderais ça à quelqu'un, là, qui en prend 4-5 fois par semaine, là, tu sais. Là, je dis, ouais, juste un spray, genre, puis je vais être batté, tu sais. Apparemment, là, elle me faisait peur, tu sais, fait que j'ai choqué. Moi, j'ai peur de ça, en passant. Je fumais du weed quand j'étais jeune, tu sais, mais j'ai pas touché à ça depuis 25 ans, tu sais. Ça fait que une ou deux fois au cours de ces 25 ans-là, là, tu sais, fait que j'ai plus l'habitude. Puis avant, on s'en foutait, là, tu sais. Mais là, à ce temps, ils ont comme tellement travaillé là-dessus, le weed, que ça peut être ci, ça peut être ça. Avant, c'est comme il n'y avait pas de sorte, tu sais, ni de degré de ci, de whatever. Il y avait juste du weed puis du keb. Du keb, ça, tout le monde faisait pousser chez eux. Puis ça boucanait, puis c'était de la merde. Ben, c'est pas grave, ça faisait la job. Mais c'est tout. Puis à cette heure, ça y va. Alors, j'étais très renseigné sur tout ça. Les degrés de CBD, puis de THC, puis de machin, puis tout. Fait que j'ai tout ça pour dire que la boisson, ça m'agane. Ça te remplit. T'es comme, tu sais, t'es le lendemain de veille. T'es scrap, là. Ça m'agane en crisse. Fait que j'ai comme envie de changer mes buzz un peu, puis j'en ai déjà parlé de toute façon, d'explorer ça. Fait que là, ils m'ont foutu à la chienne, fait que j'ai choqué. Mais je vais aller sur le site web à la place, parce que là-dedans, comme je disais, tu peux pas relaxer, là. Il y a un line-up qui se crée derrière toi, là. Le monde, ils veulent du weed, là, comprends-tu? Moi, il y en a un proche de chez nous. Le matin, quand je vais prendre le bus, il y a un line-up dehors. Chris, c'est fou, ça! Y'avait-tu un line-up? Y'a pas de line-up dehors à SAQ ou dans les dépanneurs, là? Ben, y'en a des fois aussi au bord des brasseries. Non, mais l'alcool est partout. Donc, s'il y avait de l'alcool purement à une seule place, peut-être qu'il se créerait des line-up. Mais je suis comme, hey, là, le monde a-tu besoin de weed si rapidement, tu sais? T'as pas fait toi des provisions, je sais pas. Il y a des line-up. Puis un coup que t'es là-dedans, tu sais, comme, ça faisait un bon 15 minutes, là, qu'on jasait avec la conseillère, puis là, c'est. J'étais stressé, il y avait du monde en arrière qui attendait, tu sais. Moi, je suis comme, gars, je sais pas, je connais rien, hein. Excusez, je suis parti. J'ai senti une pression, fait que j'ai pas aimé ça. Mais on verra, hein. Puis bravo Canada, bravo Justin de rentabiliser tout ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que le Canada est précurseur là-dedans. C'est pas le premier pays au monde à faire, là, mais c'est excellent. C'est des beaux revenus, ça, pour le pays. Parce qu'on est encore dans le pays du Canada, n'est-ce pas? Ça va pas changer tout de suite. Donc, voilà. Sinon, quoi d'autre? Ben, je parlais de la Super Brosse. Il en reste. Je sais pas s'il en reste. Mais elle est distribuée un peu partout maintenant. Mais c'est pas, tu sais, dans la distribution de bière. Puis je parle aussi pour la Pixel. Parce qu'on a eu un commentaire que je voulais souligner. Sur une publication, il y a la nouvelle Pixel est sortie, la Evil Brown. Puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est juste ça, c'est tout le temps juste à Montréal, juste à Montréal. » D'ailleurs, en passant, ça c'est assez énervant, là, tu sais, comme « On sait bien, c'est juste des affaires de Montréal, c'est Montréal, voilà, ça. » Check, c'est pas de ma faute si je vis ici. Ben, c'est totalement de ma faute si je vis ici, mais tu sais, comme je fais des affaires là où je vis, tu sais. pas moi qui vais aller porter les bières à Matane, là. Fait que c'est ça, merci de nous écouter de loin, ça me fait très plaisir, mais pas moi qui décide où est-ce que la bière va puis qui l'achemine, tu sais. Fait que voilà, si je fais brasser de la bière dans le Schlaga, ben elle va partir d'ici puis on verra où est-ce qu'elle va se rendre. Puis si elle sort pas de Montréal, ben c'est pas parce que t'as Montréal, c'est des affaires de Montréal, ça, on n'en donne pas en région. C'est de la mécanique, c'est de la rentabilité, t'es pas visé là-dedans. Il n'y a personne de visé là-dedans pour les affaires qui se passent à Montréal, en passant. Donc, si vous voulez de la Pixel ou de la Super Brosse, ben allez dans votre commerçant de bière local, si vous le connaissez, puis dites-y d'en commander, ou parlez-en lui, et puis il en commandera peut-être. Donc, c'est tout. C'est de même, ça marche, tu sais. Si les brasseurs ici sont habitués à distribuer à des places, ils n'appellent pas nécessairement toutes les places au Québec qu'ils ne connaissent pas pour essayer de pusher de la bière. Ils devraient. C'est à ça que ça sert, des reps de bière. C'est un métier, ça existe. Mais voilà. Donc, je peux pas savoir si ça va se rendre jusque chez vous, mais si ça se rend pas, puis vous allez une place de bière que vous êtes habitué, ben demandez, tu sais, hey, serais-tu capable de n'avoir de la Super Brosse de l'espace public, bière de Montréal, canette mauve? Fait que, checkez ça. Mais la batch doit achever, là. Il doit rester bien. Il en reste un petit peu à l'arcade encore, mais c'est presque fini. Il nous reste dans Infernax encore aussi. On avait recommandé des stocks avant que ça... c'était juste une batch, ça aussi. Donc, la Infernax de Pixel, si vous voulez boire tout ça, puis tapocher sur nos machines, venez à l'arcade. Hey, d'ailleurs, il y avait tellement des belles machines au New Hampshire. Il y avait quelqu'un qui vendait une Popeye, une Donkey Kong Jr., une Moon Patrol, une Neo Geo, deux slots, et puis une Point Blank, qui était en fait un ancien cabinet Virtua Fighter modifié. Tout ça pour un bon prix de 5002 US, je pense. Fait que là, je suis comme « fuck ». Puis les machines étaient belles, là, étaient top shape. Moi, Moon Patrol, j'aimerais vraiment savoir ça. Donc, j'ai fait des pieds et des mains. T'sais, le gars, il était vraiment pressé que ça sorte, là, il déménage, puis tout. Puis, j'ai pas réussi, il l'a vendu localement, finalement, bien sûr, tu sais. Mais c'était compliqué, là, les compagnies, comme... Je pouvais pas louer un truck, parce que, mettons, l'égaré ici, tu peux pas envoyer un truck aux États-Unis, c'est trop loin. Fait que là, fallait que je checkais avec U-Haul. Là, il y a les douanes, puis tout. C'était tout qu'un casse-tête, tu sais. Fait que le temps que je démêle tout ça, puis Noël arrivait, clairement, j'allais pas réussir, là. Mais si j'avais, comme, des gens dans des compagnies de transport qui auraient pu faire un hit and run, ça aurait été hot. Mais j'ai pas réussi, il a vendu avant. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté une nouvelle machine à l'arcade, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'arcade, moi-même. Je suis allé pour le party de Noël de Retro Montréal, on a fait ça là, mais... Faut que j'y retourne, là, ça n'a pas à donner ben dernièrement. J'y travaille à distance, mais je ne vais pas dedans. Je me rends compte que je sors plus ben, en fait. Mais ça va revenir, là, comme mon plus vieux, c'est ça, il a 14 ans, lui, comme je le vois même plus la fin de semaine. Il part avec ses chums, il dort chez un, il revient après, comme oh, « j'avais 5$, on a mangé au Dollarama. Mais je trouve ça beau. J'aime ça. Puis le plus jeune, ben, il a quand même 9 ans. Il va avoir 10 ans là, en janvier. Puis, mais il est très, très, très mature dans le sens que, tu sais, il est autonome beaucoup. Donc, tu sais, il ne demande pas tant qu'à ce qu'on s'occupe de lui. Enfin, même qu'on le force, des fois, on fait-tu un jeu, quelque chose? T'es-tu un enfant encore? Mais il suit, tu sais. Fait qu'il est comme exposé à beaucoup de choses de grand, tu sais, de par son grand frère, de parce qu'il suit nous, les adultes. Parce qu'on va au resto prendre une bière avec des amis pis tout ça, puis ben là, on va pas engager des gardiennes là, il y a 10 ans, whatever, ben viens-t'en, il vient avec nous autres, il nous écoute parler, on devient chaud d'ail un peu, on commence à parler d'affaires plus deep, là lui il écoute tout ça, cet enfant-là il écoute tout, il sait tout, fait que voilà, c'est... pourquoi je disais ça? Les enfants, je me rappelle plus, ah je perds le fil, mais ouais. Donc, c'est ça. Ça me donne plus de temps pour gamer, d'avoir des grands-enfants. Fait que je vais parler de gaming un peu. Hein? Après tout, c'est un podcast qui sert à ça. spécial rétro nouveau qu'on a enregistré ce mercredi, c'est disponible. Donc, c'était le top 3 de tous les membres de rétro nouveau. Et Nick Lachapelle était présent aussi, sorti de la balle molle pour venir nous présenter son top 3. Et puis, c'était ben agréable. Merci à nos commanditaires, Microbrasserie Pixel et le marché Bonichois Neveu de Laver-le-Cher pour nous fournir bières et Doritos. Et puis, ainsi, avoir tout le temps pas faim pour déjeuner le jeudi matin, mais déjeuner pareil. Puis, ça finit par passer. C'est dur sur le système, ces Doritos-là. Je vous en passe un papier. Donc, c'était un bien bon show. C'était bien le fun. Puis, je peux pas croire qu'on fait ça depuis 2011. Ça va faire 12 ans qu'on fait Rétro Nouveau. C'est-tu malade, ça? Pas steady tout le temps, toutes les deux semaines depuis 12 ans, on s'entend. Il y a eu des mais ça a changé, on a essayé des affaires puis tout. Mais ouais, quand on cumule toutes les écoutes ensemble de YouTube et puis de nous autres on host sur Archive, tout ça, on est capable de lire puis d'avoir de lire l'auditoire en fait à peu près, tu sais. Ça fait une couple de milliers de personnes hein, qui écoutent le show à chaque fois, fait que moi je regarde jamais ça, tu sais, les codes d'écoute. Donc, je fais juste les affaires, puis merci, bonjour, on le fait pour le fun. Mais c'est le fun quand même, tu sais, on a les mêmes gens qui reviennent, puis on se rend compte qu'il y a du... C'est ça, qu'on est plus écouté qu'on le pensait. Donc, c'est très apprécié. Merci beaucoup à vous, les auditeurs, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent présentement, qui m'ont connu grâce à Rétro Nouveau et qui écoutent les deux, dans le fond. Donc, vous êtes tous là, tout le monde, merci. Et puis, l'une de ces personnes-là est Michael Belzile, qui m'a fait découvrir le jeu Street Cleaner, qui est sur Switch. J'ai créé un groupe Facebook, là, il y a un bon bout de temps déjà, une couple de, je sais pas, hein, 2 ans, je sais plus. Le groupe s'appelle Finir des cassettes, et puis moi j'aime ça finir des jeux, puis je me rends compte qu'il y a bien du monde autour de moi qui aime finir les jeux aussi. Donc c'est un groupe qui sert à mettre des screenshots de ton jeu fini et d'en parler, ainsi tu fais découvrir des jeux aux autres, et puis ça te rend bien toi en tant que personne, et comme yeah, tu peux montrer que tu finis des jeux, tu sais. Et puis ça c'est bien bon pour tout le monde. Et puis ouais, donc Finir des cassettes sur Facebook. Je serais dû pour refaire le visuel déjà. Mais ouais, donc Michael Belzile a parlé de jeu Street Cleaner là-dessus, qui est un jeu style 8-bit industriel un peu à la Power Blade, Shadow of the Ninja, tout ça, tous ces beaux jeux NES-là qu'on aime tant. Tu sais, voyons. Look, tu sais, comme Hotline Miami, casse de moto, batte de baseball. Très vaporware, là, très cool. Et puis, dans le fond, c'est un band, ça. Je me suis rendu compte par la suite que j'avais des tunes de Street Cleaner dans ma playlist. Là, donc, c'est du synthwave, puis du outrun, des affaires-là. Je sais jamais comment décrire ce style musical-là. Il y a tellement de noms. Mais vous savez, synth, années 80, mais trash, tu sais, mais mélodique, nostalgique. Donc, tout ça dans un package d'un petit jeu très efficace, très court, de donner des coups de batte sur le monde et de tirer du gun avec des beaux boss. Vous irez voir ça, c'est ça. C'est court, ça s'est bien fait. C'était une petite expérience NES un peu 8-bit. J'ai bien apprécié. Merci, Michael, pour la découverte. Vous avez vu l'annonce, comme moi, j'imagine, au Game Awards de Castlevania dans Dead Cells. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir un genre de reskin du personnage de Dead Cells en personnage de Castlevania. Puis Richter, puis Alucard, ils vont être présents dans le jeu quelque part. Faut que tu te rendes à Dracula. Ça va tout être complètement différent. T'sais, je le sais pas, mais j'étais comme « wow, c'est bien cool ». C'est legit, là. C'est Konami qui a dit « d'accord ». Donc, Konami soit d'accord à faire une compilation Kawabunga Collection de Turtles, puis d'inclure Castlevania dans Dead Cells, tu sais, puis de faire des affaires de même. Je trouve ça très intéressant. On dirait que... j'ai-tu entendu aussi, entre les branches, qui travaillaient sur de quoi de Silent Hill, tu sais? Donc, ça, c'est cool, là. Puis Konami était présent au Megamix aussi pour voir les projets des gens. Donc, on dirait qu'ils veulent essayer de revenir dans le game, du gaming, un peu, et c'est tant mieux. De quelle façon, tu sais, je sais pas. Faut qu'ils engagent des studios cool pour faire des nouveaux jeux, tu sais, de leur franchise, et puis c'est la chose à faire. Mais est-ce qu'ils vont le faire vraiment? Qu'est-ce que... Je sais pas. Mais Konami semble un peu se réveiller soudainement. Donc, c'est très prometteur de voir des affaires demain. Ça va me faire... Moi, Dead Cells, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai jamais réussi à le finir. Je pense pas avoir été bien, bien bon. Mais je me suis rendu dans le niveau du palais du roi. Là. J'ai jamais vu le roi. Ou je l'ai-tu vu? Je l'ai vu une fois. Il m'a anéanti. Puis là, je suis comme... Faut tout je refasse ça. Fait que ça me tentait pas. Mais c'est ça, c'est un roguelike. Et puis... on a appris à Rétro Nouveau la différence entre un roguelike, L-I-K-E, et un roguelite, L-I-T-E. Donc, un roguelike, c'est vraiment un jeu basé sur le rogue. Où est-ce que tu progresses, tu meurs, tu ramasses, tu gardes certaines choses que tu as accumulées, tu te boostes avec ça, puis tu y retournes. Puis tu fais ça tout le temps. Fait que tu es toujours un peu plus fort, tu te rends tout le temps un peu plus loin, puis tu grindes comme ça jusqu'à ce que tu finisses le jeu. Hades est un exemple parfait, populaire des derniers temps d'un roguelike. Mais il y a des jeux qui utilisent des mécaniques rogue comme ça dedans. T'sais. Donc ça devient un peu un roguelite. Où est-ce que tu fais une aventure, mais c'est pas tout le temps comme tu as des places à aller. Mettons, je parlais d'Astalon à Rétro Nouveau. C'est un très bel exemple qui utilise la mécanique de tu crèves, mais tu gardes des affaires, tu rachètes. Tu commences au début du niveau, mais tu sais, ta progression existe, ta map est dévoilée, t'as gardé des places, t'as gardé des personnages. Donc, c'est comme une mécanique de grinding un peu, puis de leveling qui peut être intégrée à certains jeux. Donc, voilà. Et puis, Dead Cells. Donc, j'ai joué beaucoup, j'ai vraiment aimé ça, mais j'ai fini par lâcher parce que, là, quand j'ai vu les profondeurs que ce jeu-là peut atteindre, c'est comme, wow, j'ai pas 400 heures à mettre là-dedans. Mais c'était vraiment le fun. Donc, checkez ça, ça s'en vient, j'imagine. On a eu chez Rétro Nouveau, chez Rétro Montréal aussi, Gâteau Roboto, dont Bruno en avait parlé à Rétro Nouveau, qui est un jeu 100% inspiré de Metroid. Mais où est-ce que t'es un chat dans un suit? Un saut de Samus, là, genre qui tire et puis tout ça. Et puis, j'ai pas regardé, mais au look, c'est noir et blanc. Et puis c'est pareil comme Downwell, tu sais. Fait que je suis pas mal certain que c'est les mêmes gens derrière. Donc purement pixel, pas pixel, gros carré sur fond noir, tu sais. C'est dur à décrire, mais c'est très beau. Et puis c'est un jeu assez court, assez simple, avec des petites affaires cachées, tout ça, des beaux boss. Si t'aimes Metroid, tu sais, tu vas aimer ça là, au bout. C'est vraiment une belle expérience. Et puis j'ai fini ça easy. Tu sais, c'était comme un amuse-gueule. Puis on en a recommandé, donc prenez-en. Il y a eu quelque chose avec ce jeu-là, par contre, c'est qu'il y avait un game-breaking bug dedans qui faisait qu'on pouvait pas le terminer. Et ça, c'était sur le jeu physique. Mais là, puis il y a juste une version de jeu physique. Fait que j'ai lu ou on m'a instruit que là, le jeu allait peut-être être rappelé et renvoyé. On pouvait renvoyer le jeu puis en avoir une version correcte. Mais finalement, ils ont tout géré ça avec une patch. Donc, si tu ne fais pas la mise à jour de ton jeu physique, quand tu vas le mettre dans ta machine, il y a quelque part un bug qui t'empêche de finir le jeu et c'est malheureux. Mais cela a été patché, donc fais la mise à jour. Et puis, il y a eu un genre de petit débat là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce qu'un collectionneur veut le jeu le plus complet? Ou, tu sais, peu importe. Puis, parce qu'il y a des gens, c'est comme « Arc, je toucherai jamais à ça, ce jeu-là, il est brisé, tu sais, il faut le mettre à jour. » Pourtant, tous les jeux ont des mises à jour continuelles, tu sais, c'est ça le gaming d'aujourd'hui. Les jeux sont tout le temps réajustés, rajouter des affaires, puis tout ça. Puis un jeu continue de grandir après son release. Donc, même s'il part physiquement, tu sais, il faudrait que tu le rachètes 2 ans plus tard pour contenir tout dedans dans ton jeu physique. Je comprends l'affaire que quand c'est pas physique, ça t'appartient pas. Ainsi, si tout shut down puis mon gâteau roboto il est reset ou il est pas mis à jour, ben il va tout le temps être brisé pour toujours. Mais tu sais, bon, là je l'ai ouvert, j'ai joué avec, puis c'est ça, tu sais. Mais au final, moi personnellement, en tant que collectionneur, je préférerais avoir une version broken, un first print d'une version qui est broken. Je trouve ça plus attirant du point de vue collection que le troisième print qui contient toutes les affaires dedans et qui a été vendu à plus grande surface, tu comprends? Fait que, mettons Streets of Rage 4, justement, moi j'ai le Limited Run, le premier print identifié avec le cover différent puis tout. Puis après ça, ils ont sorti un autre qui incluait un personnage, puis après ça, il y a eu des mises à jour, tatatata. Mais je trouve que au point de vue de la collection, il n'y a rien de plus beau que le premier pas ouvert qui contient rien ou qui a peut-être des bugs, whatever. Tu comprends? C'est l'objet. C'est ça qui est intéressant, c'est les incongruités. C'est les affaires weird dans une collection qui fait qu'un item est plus désirable, tu sais, dans le fond. C'est pas la version Best Buy, tu sais, que tout le monde a, là. C'est la version qui a été lancée par la compagnie qui fait des jeux limités, puis finalement, il y avait un bug dedans. Fait que, en tout cas, moi, c'est mon avis. C'est le même que je collectionne mes affaires. J'essaie tout le temps d'avoir les first print des choses. Et puis, je pense que ça marche de même aussi pour toutes. Là, que tu veux-tu le quatrième print de la carte de Mario le mieux ou tu veux le premier? Tu sais, qu'est-ce qui vaut cher dans la vie? C'est tout le temps les premiers prints. Donc voilà. Ça, je voulais dire. Sinon, là, je suis hooked là, sur deux jeux. Là, vraiment, deux jeux. Là, je joue à Ender Lilies, qui est un Metroidvania qu'on vient de recevoir justement en physique chez Retro Montréal, qui est sorti, je pense, l'année passée, ce jeu-là. Mais là, il est en physique, puis oh my god, que c'est bon, là! C'est purement Metroidvania. C'est un look, c'est une ambiance pas médiévale, mais tu sais, il pleut, comme le royaume est détruit, puis il y a une pluie incessante qui ont transformé le monde en bébite, pas en zombies, c'est pas des zombies, les gens sont comme possédés, tu sais, ils sont morts mais vivants, c'est des morts vivants, mais pas pendouillants, zombiesques, là, tu sais, ils sont juste fous, ils sont devenus fous, et puis ils se sont entretués, puis il y a eu de la guerre, puis tu sais, la merde a pogné, là, tu sais. Fait que c'est ça, puis toi t'es tout seul, t'es comme une priestess, t'es une petite fille, blanche, là, toute glowy. Et puis, tu as un knight, un chevalier, qui est mort, mais qui te suit, tu sais. Quand tu donnes un coup d'épée, c'est lui qui apparaît, qui donne un coup d'épée, puis qui disparaît. Donc, puis quand tu tues des boss là-dedans, c'est d'autres personnages comme ça, des chevaliers, des bébites, des sorcières. Tous ces beaux boss-là, tu les purifies en les tuant, puis là, ils deviennent tes alliés, et tu les équipes, et tu utilises leurs skills pour progresser dans le jeu. Il y en a aussi qui cassent les plafonds, les planchers, les murs, tout ça, qui dash, bien sûr, ils te donnent un dash. C'est tout le double jump. Donc, c'est toute la progression standard d'un Metroidvania d'acquisition de skills et d'armes, mais ça t'est octroyé en équipant des boss morts. Puis tu peux équiper deux slots de trois armes. Donc, tu as ton arme de mêlée, et puis, mettons, tu équipes un autre, c'est un archer. Il tire une volée de flèches, puis l'autre, il tire un boucan, il fait de la boucane de poison. Puis, tu peux avoir un autre set que ton arme de mêlée, ben là, ça va être des claws, et puis, tu sais, l'autre, il fait une explosion. Nanana. Fait que tu as trois armes, dans le fond, donc six total en switchant les deux, et puis, en switchant les deux slots. Et puis, c'est. Je parle pas bien, hein. Switcher slot, man, Chris Martinet. C'est pas un beau perlé que j'ai là. Désolé, ça va être ça pour l'instant. Plus tard, quand j'aurai un gérant, je réapprendrai à lire, à parler. C'est du langage d'usine. Travailler trop longtemps dans les usines, moi, je pense. Donc, oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis, tu équipes des reliques qui ont des petits effets sur toi. Tu fais plus mal, pis ça. Puis, tu peux. Des prières. T'as trois prières de base que tu fais, puis ça te redonne la life, donc c'est comme prendre une potion, finalement. Puis le niveau, pas le niveau, mais la map est très grande, et puis il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. La map, c'est des zones. Donc quand t'es dans une zone, tu vois, il y a un point, t'es dans cette zone-là, d'accord. Si la zone est orange, c'est que c'est beau, t'as tout trouvé là-dedans, où il n'y avait rien à trouver. Et puis quand elle est bleue, c'est que t'as des affaires que t'as pas trouvées encore. Donc là, c'est super cool, ça. Imaginez une map de jeu Metroidvania où est-ce qu'il y a des zones de deux couleurs différentes. Tu sais exactement où aller pour chercher et ainsi pas perdre ton temps. Donc chaque zone, c'est des niveaux, des cases plus ou moins grandes qui sont interreliées ensemble. Fait que c'est la première fois, je pense, que je voyais vraiment un système de main. Et puis, on m'a dit qu'il y a deux fins. Et puis, pour avoir la belle fin, bien sûr, tu fais tout à 100%. Donc, tu sais au moins où aller perdre ton temps pour fouiller les planchers, les murs, dacher, whatever, pour te frotter sur telle paroi qui disparaît, casser une porte. Donc, tu sais où aller pour tout avoir à 100%. Puis, je sens que c'est un jeu que je vais vouloir faire à 100%. Là, j'étais à 15 heures à peu près. J'ai un employé qui a joué 25 heures pour le faire à 100%. Donc, j'ai vraiment l'impression que je vais faire ça parce que j'ai beaucoup de plaisir. Puis, c'est ça qui est le fun avec les Metroidvania. C'est que quand tu progresses, t'équipes, tu deviens de plus en plus fort. Tu montes de niveau aussi là-dedans, comme dans Symphony of the Night. Donc, comme au moins quand tu meurs, ça c'est le fun. Tout ce que tu ramasses, ton expérience, tes objets, tout ce que tu unlocks, quand tu meurs, tu recommences au save point, mais tu gardes tout. Ils te punissent pas à genre « Ah, fallait que tu saves, tu sais. » Fait que ça, là, merci, tu sais. Merci de faire ça. Puis, il y a aussi un fast travel de save point en save point. Hein. Puis, tu peux aussi retourner à un save point. Fait que tu marches. « Hey, j'ai trouvé l'affaire qui me manquait dans cette zone-ci. Ainsi, j'ai complété cette zone-ci. » Tu pèses start, tu dis « Retourne au save point. » Tu reviens au save point avec tout ce que tu as trouvé. Et puis, du save point, tu peux fast travel n'importe quel save point dans la carte. Donc, tu peux voyager très rapidement. Merci, Esti. Faites-le de même, les jeux. Là. On n'a pas 100 heures à mettre, comprends-tu? C'est bien ça que les gens qui développent des jeux, ils pensent aux gens qui sont occupés un peu. Fait que moi, j'y jouerai pas à ton jeu si c'est trop long. T'sais. Puis je pense qu'on est une gang de même. Donc, voilà. Et puis, mais tu sais, puis la musique, là, c'est beau, c'est symphonique, tout le kit. Mais c'est pas le jeu. C'est pas spécial, tu comprends? C'est juste comme vraiment bon. Mais c'est pas. Il n'y a rien là-dedans qui est pas. Waouh, j'avais jamais vu une mécanique de même ou une affaire comme ça. Tu sais, je trouve à date, en tout cas, qu'il n'y a rien de spécial. Ce jeu-là, il est juste vraiment bon, tu sais. C'est comme un bon repas, tu sais. C'est comme, waouh, c'est du premium repas. Mais c'est pas de la cuisine moléculaire qui essaie de. Non, c'est juste comme un excellent repas, là, tu sais. Donc, j'ai beaucoup de plaisir, puis je suis pas pressé. Ça va être mon jeu du temps des fêtes que je vais jouer, puis que je vais faire, puis que je suis, tu sais, comme ça. Ça va être mon plaisir, là, vraiment. Je sais pas s'il va faire ma liste des jeux, parce que moi, je marque mes jeux dans un fichier Google Sheet que je termine. C'est ce qui m'a donné le goût aussi de faire la page Facebook Finir des cassettes. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui s'amusent aussi à lister leurs jeux qui finissent, leurs jeux qu'ils veulent faire, tout ça. C'est très satisfaisant. Ça te donne comme un but, tu sais. Ça donne rien d'envie, là. Mais moi, je suis comme, cette année, j'ai fini 60 jeux, tu sais. Là, je regarde. Eh boy, en 2018, j'étais occupé. J'ai fait la moitié, tu sais. Donc, c'est ça. C'est bien le fun. Puis un autre jeu qui n'est pas un jeu d'aventure que j'ai découvert, que je savais qu'il existait et que Nick en a parlé à Retro Nouveau aussi, c'est Vampire Survivor. Ça, c'est fucké. C'est un jeu vraiment laid. C'est quelqu'un tout seul qui a fait ce jeu-là. Et puis, t'es juste un petit bonhomme dans l'écran qui frappe tout seul. Donc, toi, tu fais juste... Ben là, je joue sur le mobile. Mais tu fais juste promener le personnage, puis lui, il frappe tout seul. Puis il y a des hordes de bébites qui viennent sur toi. Et puis ton but, c'est d'en tuer le plus possible. Puis là, whoop, tu montes de niveau. Là, tu frappes à gauche puis à droite en même temps. Là, whoop, tu montes d'un autre niveau. Là, tu as des projectiles. Ah, là, tu as un autre projectile. Ah, là, tes projectiles sont plus forts. Et puis après ça, ah, là, tu as un cercle autour de toi qui tue les ennemis. Ah, maintenant, tu as des lightning. Là, tu peux marcher plus vite. Tu pognes des coffres qui boostent toutes ces affaires-là. C'est comme... Puis il y a des hordes qui continuent de t'attaquer, et puis les ennemis deviennent plus forts, tu deviens plus fort, puis tout ça fait juste comme boule de neige continuellement. Mais le jeu, il est laid, là. C'est comme... On dirait, le gars, il a... Mettons, le coffre au trésor, il est tout mal découpé dans Photoshop. Le screen, le title screen, c'est comme tout pixelisé. C'est écrit « Press Start ». On dirait un jeu... On dirait un DSiWare ou un jeu mobile de merde, là, des premiers, là, tu sais, comme... Ça n'a pas de bon sens comment c'est laid et c'est niaiseux, mais le système de progression est tellement parfait, là. Puis quand tu meurs, tu gardes ton argent, tu peux acheter des power-ups pour commencer, des nouveaux personnages, tu sais, c'est... Ouais, puis c'est pas compliqué, j'avais pas que ça soit compliqué, c'est pas compliqué. C'est juste comme un jeu épais, Mais c'est tellement une bonne mécanique que ça en devient addictif. Là. C'est vraiment. Là, je suis comme. La ride d'autobus est trop rapide. Je suis comme, fuck, j'ai pas le temps de continuer ma game. Tu sais, puis. Les games, ça peut. Une game, moi, présentement, ça dure à peu près 10 minutes, 10-12 minutes. Puis après une demi-heure, on m'a dit que, genre, Satan arrive puis te tue, là, tu sais. Puis that's it. Mais peut-être que tu peux le tuer, mais c'est one hit kill. Donc, je sais pas trop. Mais à force de progresser, c'est ça. Ça fait juste devenir de plus en plus puissant. Là, t'es accro, t'es comme, yeah, je tue tout le monde, je recommence, je tue, yeah, maintenant j'ai ça. C'est de la pure coke, là. C'est fou raide. Fait que je pensais pas être hooked à ça, cette espèce de drôle de bébite-là. Mais si, je savais que ça existait, mais là, je peux jouer parce que c'est sur mobile. Puis c'est parfaitement à sa place sur mobile. Sinon, je pense que c'est juste disponible sur PC et Game Pass. Genre. Fait que pas de Nintendo, pas de PlayStation pour ça, pour l'instant. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Parce que je pense que tu peux l'acheter, bien sûr, le jeu, sur console. Je sais pas ce que ça te donne de plus. Parce que sur mobile, là, je peux, quand je meurs, écouter une pub pour revive avec la moitié de la life. Fait que quand j'ai une bonne run, j'écoute, ben, je laisse la pub aller. Puis à la fin, quand t'es vraiment game over, tu peux écouter une pub encore pour avoir plus de cash. Mais quand tu payes pour le jeu, puis on dirait que je peux pas payer mobile pour le jeu, fait que je comprends pas trop. Fait que comment est-ce que la personne fait son argent, je sais pas. Mais je sais que ce jeu-là est extrêmement populaire. Et puis, c'est comme, c'est weird, tu sais. C'est ça, c'est le parfait exemple de... Peu importe, un jeu c'est bon quand le gameplay est bon, tu sais, puis c'est réfléchi, puis la mécanique fonctionne. Pis c'est ça qui se passe là-dedans. Alors, fascinant. J'ai l'impression que je vais caler des heures là-dedans comme un épais. Autant que je dis, ah, mon Metroidvania, faut que ça se fasse vite, puis je vais gaspiller du temps. Je jouerai pas à Dead Cells pendant 100 heures, mais je vais jouer à Vampire Survivor pendant 100 heures, là, tu sais. Très drôle. Vous checkerez ça, sérieux, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Je voulais juste le télécharger pour le tester vite, je pensais pas être accro aussi rapidement, mais ouais, c'est ça y est. Bon, quoi d'autre? Juste à faire, si par rapport au développement de Retro Montréal, c'est ce qui m'a gardé beaucoup occupé dernièrement, en effet. Beaucoup de choses vont se passer en 2023, pour vrai. De bien belles grandes choses vont se passer en 2023 pour Retro Montréal. Et puis, on travaille tous très fort là-dessus. Il y avait beaucoup, tu sais. Et ça ne fait que commencer. D'ailleurs, j'ai été très pris, justement, au cours des dernières semaines, mentalement, par rapport à des dossiers qu'il fallait closer par rapport à ça. Des dossiers légaux. Pas des légaux dans le sens qu'on poursuit du monde ou on se fait poursuivre. Pas des attaques, mais de la négociation, mettons. Donc, ça a été nettement plus, définitivement plus compliqué d'essayer de faire closer un dossier qu'on pensait qu'il allait être simple, qu'il a fallu engager une avocate et puis l'autre partie aussi. Donc, ça a été du back and forth, là, ça a été vraiment compliqué, finalement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est trouvé une excellente avocate dans ce domaine-là. Et puis, elle nous sera grandement utile, j'en suis convaincu. Donc ça, c'est bien plaisant. Avocate, pas en droit du travail, là, mais dans tout ce qui est, justement, entreprise, si je peux dire. Donc, parce que mon autre avocat est en voyage pour un bon bout de temps. Toujours bon d'avoir des amis... ou des contacts en droit et dans le légal. Donc, c'est utile parce qu'il y a tout le temps des choses à faire. Et puis, c'est ça. Donc là, on y est arrivé, c'est fait. Donc, on va pouvoir ouvrir les valves puis commencer à plancher sur des dossiers. Je vais en révéler plus lorsque ça sera le bon moment en 2023. Là, il est un peu tôt. Puis, je veux pas jinxer rien non plus. C'est ça. Là... J'étais tellement comme prêt de parler de ça, puis finalement, tout c'est tellement compliqué que je suis comme, bon, OK, tout aurait pu chier, là, tu sais. Fait que c'était mieux de pas en parler. Donc, et puis moi, j'ai cette tendance-là à parler vite des choses parce que je suis une personne très enthousiaste qui regarde tout le temps, genre, ah ouais, on va faire ça, ah ouais, ça va être malade, nanana. Puis moi, je soulève, tu sais, les gens, hey, on y va, ça, c'est fou, go. Et là, le monde, il me ralentit, c'est pas le moment, bon, OK. Désolé, je vous en dirai pas plus. Pas pour l'instant. Mais quand ça sera le moment, on va tout déballer ça, puis ça va être parfait. Mais oui, donc, mais ça sera pas immédiatement trop tôt. Beaucoup de choses à faire. Mais sinon, pour le roulement de la business ici, ben, beaucoup de jeux, beaucoup d'affaires. Vous avez vu que j'étais allé à Trois-Rivières sur la page de Rétro Montréal. On a fait encore un échange avec nos amis Flip à Québec, qui sont vraiment sweet. Donc, c'est le fun. Ils nous prennent des jeux, nous autres, on prend du hardware. Vous avez vu les sachets d'Amiibo que j'ai mis sur ma page Facebook? Bon, ben, c'est ça. Ça venait de chez Flip. On manque d'Amiibo ici, chez Rétro Montréal. Comme moi, les Amiibo, là, je me suis tellement trompé là-dessus. Là. C'est comme, on en veut. Là. Vous avez une collection d'Amiibo à vendre? Écrivez-nous, on en veut. Tout le temps, tout le temps. Ça roule tout le temps. Fait que nous autres, on a besoin tout le temps de manettes, de hardware, des titres, tu sais, des Mario Galaxy, là, on en veut, là, j'en veux 20, j'en veux 30, tu sais, c'est on a besoin de ce roulement-là, faut chauffer le poids. Puis eux autres, ils en ont quand même pas mal de toutes ces affaires-là, donc c'est donnant-donnant. On a des beaux jeux rares, tu sais, des fois ça prend un bout, ça dort ses tablettes, tu sais, fait qu'on échange, change les jeux, prenez nos jeux, on en aura d'autres. En entendant, nous autres, il faut vendre des Amiibo puis des Wii parce que la demande est là puis on ne réussit pas à en fournir assez. Donc, ils sont très cool et puis j'aime beaucoup faire affaire avec eux. Je respecte beaucoup leur sens, la façon qu'ils font des affaires. Très chic gens. Puis ça, c'est, je dis pas ça parce que je respecte pas les autres. C'est juste les autres, je les connais pas. mettons les autres boutiques à Québec. Là, je connais un peu les gens, mais... Mais moi et Jason, un des propriétaires de Flip, on se parle depuis très longtemps. Là, genre avant que l'arcade ouvre, là, t'sais, ou au début, ou je sais pas trop. Ça doit faire un bon 7 ans, t'sais. Fait que c'est ça. On se parle depuis ce temps-là. Et puis ouais. Donc là, on a besoin de matériel, puis on a besoin. Faut que ça roule. Faut chauffer le poêle. Plus que jamais, ça va nous prendre du stock. Alors, on est prêt à acheter tout. Tu faisais un full set de quelque chose, à part Wii, mettons, ou Xbox 360, et tu décides d'abandonner, appelle-nous, on va acheter tout ça. Moi, je veux tout, on a besoin de tout, fait qu'il n'y aura pas de dépenses assez grandes, on veut acheter tout le stock existant. Et puis, ça me fait penser, ça me fait penser que j'ai des objectifs de collection quand même en 2023. Je vais essayer de finir mon set de Super NES, là, vraiment. J'ai acheté des affaires au GameX, comme je disais. Et puis, mais j'achète pas des gros jeux. Je me mets une notif eBay pour certains jeux. Je fais juste les observer, tu sais. Mais ils sont tout le temps maganés aussi, d'ailleurs. Donc, et c'est ça, tu sais. Mais je suis pas pressé. Tout le filler, les jeux que j'ai pas qui rentrent ici, je le prends. Je l'achète à la compagnie. Et puis, ça avance comme ça. Mais j'aimerais quand même là, qu'en 2023, ce dossier-là soit réglé et que ça va être mon dernier gros projet de collectionneur, si je peux dire. Donc, un full set NES, un full set Game Boy, puis un full set Super NES, puis il n'y aura pas d'autres full sets. Puis après, je vais voir ce que je vais faire. Je vais sûrement aiguiser un peu ma collection Switch aussi. Je vais commencer à sortir des jeux que je sais que je ne jouerai pas ou que j'ai joué, puis que je suis comme... T'sais, je tiens pas à avoir une grosse collection Switch, je vais avoir une pure et belle collection Switch avec des bons jeux qui valent cher et puis juste des bons jeux. Et puis c'est ça, donc moi je vais travailler là-dessus. Sinon, peut-être que je vais vendre tous mes jeux Game Gear parce que je vais mettre les cores dans ma Analog Pocket. Ça va être un projet de 2023 aussi. Les cores pour l'Analog Pocket sont disponibles. Puis tout le monde travaille là-dessus. Puis tout le monde contribue. Puis c'est magnifique. Ainsi, dans la Pocket, va pouvoir contenir les librairies complètes de NES, Super NES, Neo Geo, Game Boy Advance, Game Gear, name it, tout ce qui est sur une cassette ou une card possédée, je pense. Ou peut-être ça viendra. Mais 64, je ne suis pas sûr c'est là encore. Donc, d'avoir ça dans ma Pocket et de pouvoir mettre ma Pocket dans ma TV, j'aurais même plus besoin de mon analogue NT ou de mon analogue Super NT ou de ma Mega SG. Tout peut être dans ma Pocket, tu sais. Bien sûr, bon, là, je peux jouer avec les cassettes dans ces consoles-là, mais je pourrais aussi juste avoir un analogue Pocket puis genre partir les runs puis jouer au jeu puis d'ici, ça va être comme parfait dans la télé. Exactement autant parfait qu'avec les consoles. Et mes cassettes serviront de bibelot, tu sais. Chose que j'ai aucun problème avec ça en passant. Arrêtez de me dire que les jeux, c'est fait pour être pour jouer. C'est fait pour être pour jouer. Ça peut être aussi des bibelots. Il n'y a aucun problème avec ça, du moins en ce qui me concerne. Il y a des affaires que je ne déballerai jamais. Puis, that's it. En plus, je peux acheter le jeu digital, tu sais. Sans Christu. Fait que, c'est ça. Bref. Donc, je veux mettre à jour mon analogue pocket et voir qu'est-ce que je peux en tirer. Et ce faisant, peut-être que je vais vendre mes jeux Game Gear. Parce que finalement, je vais avoir le core dans ma Neo Geo, dans mon analogue, puis ça va être bien correct. Peut-être que je vais vendre encore un peu de jeux Wii. Peut-être que je vais vendre tous mes jeux Wii aussi, parce que Chris, je joue jamais, tu sais. Là, j'ai beaucoup rapetissé ma collection Wii. Peut-être que je vais la rapetisser encore, ou peut-être que je vais juste comme vendre tous mes jeux, garder ma Wii, parce que dedans, il y a les jeux Rebirth, Gradius Rebirth, Castlevania Rebirth, et puis Contra Rebirth. Et à ce jour, ils ne sont disponibles que de cette façon-là, si tu les avais achetés dans le temps sur le Wii Store. Donc, je vais ranger ma Wii dans sa boîte propre, puis si je veux jouer à un moment donné, je la ressortirai. Mais ouais, je vais laisser aller des affaires, peut-être, là, je sais pas. Donc, on commence de même. J'aimerais avoir... Mais, tu sais, là, je suis comme, yeah, j'ai mon sous-sol, j'ai ma collection est là, si tu descends, c'est gros, il y en a, c'est magnifique. Mais je suis jamais en bas parce que c'est devenu le lair de mon fils, tu sais. Fait que moi, je monte mes consoles en haut et je joue dans le salon. Fait que là, je suis comme déçu, tu sais. Qu'est-ce qui est... Je joue pas dans mes affaires, je regarde pas mes jeux, tu sais. Avant, dans mon ancienne maison, la façon que la maison était faite, il y avait un deuxième salon en arrière annexé à la cuisine, où est-ce que j'avais mon bureau, puis que je gamais là, puis il y avait de la lumière du jour, tu sais. Fait que je passais beaucoup de temps dans cette pièce-là, et avec mes jeux. Puis le soir, mes enfants étaient petits, on jouait au petit hockey, à terre, mais c'était dans cette pièce-là aussi. Mais je passais beaucoup de temps entouré de mes jeux, puis j'aimais beaucoup ça. Mais maintenant, mes jeux, je les vois pas. Il faut que je descende dans le sous-sol puis que je les regarde. Vous comprenez? Ça me fait questionner. J'ai-tu besoin de ça? Ben, t'as jamais besoin de collectionner des objets dans la vie. Hein? Mais oui, j'aime ça, t'sais, mais je les oublie. Je les oublie un peu parce que je descends en bas rien que pour le lavage, puis je remonte. Puis tu sais, je passe pas du temps entouré de mes jeux. Puis ça me fait de la peine. Donc, peut-être que je vais essayer de revoir comment je peux faire mon sous-sol. J'ai mon armoire Nintendo, là. Des fois, je me dis, je pourrais la vendre. T'sais, cette affaire-là a tellement pris de valeur. Si je vends mon armoire Nintendo puis je me fais genre du racking custom sur les murs, je pourrais condenser mes full sets là-dedans. Ça prendrait moins de place. Je pourrais m'installer une télé à côté puis essayer de faire une séparation avec un mur quelconque, t'sais, pour pas que moi puis mon fils, on soit ensemble. J'aimerais streamer, t'sais, avoir aussi un setup autour de mes... J'aimerais vraiment. En fait, faudrait que je sois tout seul dans ce sol-là et que j'aille un setup permanent où est-ce... entouré de mes jeux avec un setup de stream où est-ce que je pourrais gamer tranquille avec ou avec... devant auditoire ou non. Et puis, c'est ça. Puis, on a une petite pièce, t'sais, que pendant la COVID, elle a servi à ça où est-ce que pendant qu'il y avait des travaux l'autre bord ou de l'aménagement à l'autre bord, tous mes jeux étaient condensés là-dedans. Puis j'ai beaucoup aimé ça. J'aime comme être dans un espace plus clos avec mes jeux, que là, c'est comme trop grand, j'arrive pas à m'approprier l'espace. Donc, c'est dur à expliquer, mais je pense que vous comprenez. Et puis, tu sais, les consoles qui prennent la poussière, que je touche jamais. Tu sais, ma PS2, tu sais, je garde ma PS2 qui est modée pour être capable de lire tous les jeux Jap et US, et ben, tous les jeux existants de PS1 et PS2, hein, même les jeux gravés. Et puis, j'ai plein de beaux jeux là, que je garde, tu sais, mais je joue jamais, là. Enfin, en tout cas, les affaires que je touche jamais commencent à, des fois, à me déranger, tu sais. Je pourrais vendre ça, puis racheter ça sur le tas, puis acheter plus d'arcades. J'aimerais avoir plus d'arcades chez moi. J'ai une arcade de Kicks. Est-ce que je joue tout le temps? Non. Je joue une fois par mois, tu sais. Donc, mais j'aime avoir ça chez nous, tu sais. Ça me rend heureux, tu sais. Quand je vais avoir un... Tu sais, il existe des prises automatiques, là, pour allumer des choses automatiquement, là, que tu branches dans la prise de courant, ou il doit y avoir d'autres systèmes. Fait que j'aimerais ça, installer ça. Puis que à chaque soir, mettons, à 6h30, ça part, et puis les arcades s'allument, et mon armoire Nintendo s'allume, tu sais, ça serait beau. Mais anyway, je suis jamais dans le sous-sol, fait que là, ça donne rien. Problème avec Kicks aussi, c'est que la track mode, il arrête pas. Ma machine, elle perd la mémoire, tu sais. Fait que même si je mets le track mode, elle n'a pas de son, elle oublie. Fait que le track mode, ça, c'est quand tu touches pas à l'arcade, puis elle monte du gameplay. Normalement, il n'y a pas de son, tu sais. Mais là, il y en a. Fait qu'elle fait « elle joue tout seul, tu sais. Puis là, c'est agressant, non. Parce que des fois, je ferais juste l'allumer, rien que pour qu'elle soit allumée. T'sais, tu descends en bas, toutes les lumières sont fermées, sauf ton arcade et ton armoire Nintendo. C'est beau, là. C'est un feeling que j'adore. T'sais, moi, c'est ça, je veux vivre ça, c'est plaisant. Pour ça que j'ai ces affaires-là chez nous. T'sais. Mais là, je le vis pas, puis ça me dérange. Alors, je vais checker ça. Mais la vie coûte cher plus que jamais présentement. Fait que même si je voudrais faire des armoires custom puis tout, faudrait que je me trouve un ébéniste. Je suis pas sûr que celui qui a fait mes choses est disponible. Et puis ça me coûterait des milliers de dollars, tu sais. Fait que, y a peut-être des solutions, des meubles sur Amazon, j'en ai aucune idée. Mais tout ça, ça prend du temps. Et puis anyway, j'ai pas tant de place parce que les maudits racks à linge à travers mes... à travers ma game room, là, tu sais. Ouais, le quotidien prend la place de ma game room, fait que ça me convient pas. Je sais pas si je vais pouvoir régler ça maintenant, ou si ça va être quand mon plus vieux va disparaître dans la brume, qui va partir faire ses affaires. Mais il est pas prêt de partir parce qu'il est jeune. Donc, à suivre. Hey, je m'étale. Hein? Avez-vous ça, vous autres, des problèmes de rap? Pas des problèmes, mais des racks à linge chez vous. Tu sais, comme il y a du linge, tu mets pas tout dans la sécheuse. Là. Donc, puis l'hiver, ben. Ou t'as pas de corde à linge, puis l'hiver, tu peux pas sortir ton linge dehors. Fait que t'as des racks à linge, tu sais. Là, nous autres, c'est grand chez nous, mais bien sûr. Avant, les racks à linge, c'était dans notre chambre à coucher, dans notre salon, quand on vivait dans des plus petites places. Là, c'est très grand. Fait que les racks à linge sont dans le sol. Mais ils sont où dans le sol? Dans ma gaming room, tu sais. Puis Dieu, on est quatre, fait qu'on en lave du linge. J'ai tout le temps un rack ou deux de sortie, hein. Tout le temps. Des fois, moi, je range les... C'est-tu sexy? Je monte le linge en haut, je range les racks rien que pour vivre. Une journée sans crise de rack à linge. Avouez que ça fait chier, vous avez des problèmes de rack à linge, vous autres aussi. Tout le temps dans ta face. Ah, pas évident. Pas évident, les racks à linge. Ah, bon, hey. Ah, je vais-tu finir ça sur une note négative? Pas tant négative, je veux juste raconter en terminant une petite aventure spéciale qui m'est arrivée. Je suis allé dans un commerce de prêts usuraires. C'est ça, des prêts usuraires. Un pawn shop. Excusez. Et puis, j'y vais de temps en temps, là, tu sais, quand je suis pas pressé et que j'ai des commissions. Tu sais, je jette un œil. D'un coup, je viens de boire une très grosse gorgée de café. Je regarde toujours, anyway, pour ma collection personnelle. Qui sait, tu sais, un petit filler de Super NES que j'ai pas ou je sais pas quoi. Puis, je suis allé à ce pawn shop qu'il y avait des Nintendo Power. Fait que je me dis, ah, c'est cool ça, tu sais. Puis, le commis, il me parle un peu de ça. Ouais, on n'a pas ça souvent, tu sais. C'est comme, c'est un petit peu plus précis comme item, tu sais, que le régulier, mettons. Puis là, il s'est mis à... Là, il a parlé de Rétro Montréal, tu sais. Ouais, il y en a aussi chez Rétro Montréal, mais... Puis là, il s'est... Tu sais, parce qu'on parlait de quoi un peu plus précis, fait que si moi, en tant que client, je cherchais des affaires plus précises, il y a Rétro Montréal, mais... Puis là, il s'est mis à dire des affaires sur Rétro Montréal. C'était absolument fascinant. Puis il savait pas, tu sais, qui que j'étais. Fait que moi, là, ça, j'adore ça. Quand on a des nouveaux employés à l'arcade, puis qu'ils m'ont pas vu, puis que, mettons, à l'accueil, tu sais, je rentre, puis là, il dit bonjour. Fait que là, je fais semblant d'être un client, tu sais. J'ai comme, c'est-tu votre première fois ici? Ouais, comment ça marche, tu sais. Fait que là, ils me disent tout le truc, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils ont. Là, genre, y a-tu des spéciaux, tu sais, ça coûte-tu quelque chose pour jouer, faites-vous des tournois, tu sais. Là, ils font tout ça, ils me disent tout le truc. Puis après, je me présente, tu sais, puis je trouve ça bien drôle. Ah, oh, ben là! Mais c'est correct, là, je tape pas sur les doigts de personne, mais ça me permet de mesurer un peu, genre, de voir, tu sais, le degré d'implication de la personne dans son dans ses tâches. Donc ça, c'est drôle. Et puis, ben oui, c'est ça. Donc, ils savaient pas qui que j'étais, fait que là, ils commencent à dire mille affaires, là, sur nous autres, là, de comment est-ce que l'entreprise a débuté? Comment est-ce que les propriétaires, donc moi, devant lui, dans ses yeux, il me regardait en disant comment est-ce que moi, j'ai créé l'entreprise avec mes amis qui achetaient mes affaires, puis là qu'on montait le prix, puis qu'on crossait, puis tout ça. Tu sais, il disait ça à moi. J'étais devant lui. Puis que. parce qu'on on fait pas ça, on fait pas de la business correcte, puis qui disait qu'on avait eu des dizaines de milliers de dollars de contravention, puis que la police était venue 4-5 fois, puis tout. Là, je suis comme, ah ouais, là, moi, quand, t'sais, moi, je continue à juste poker un petit peu. Ah ouais, ils sont des crasseurs, eux autres, esti, puis tout ça. La police est allée là. Ah oui. Ouais, les gars qui m'ont dit, la police est allée là, là, plein de fois, là, ils ont 60 000 piastres de tickets là, là-bas, là, tu sais. Eux autres, là, non, là. Puis, ah ouais, puis, tu sais, ils sont-tu plus chers, tu sais? Ben oui, ben non, mais ben, eux autres, ils font ça, là, ils checkent un peu eBay, là, puis ils font des prix. Puis là, tu sais, comme c'est ça, il suffit juste de le poker un petit peu, puis là, ça passe, tu sais. Puis là, il parle, il vomit sur tout. Puis, c'était fascinant. Puis, après 15 minutes, j'ai dit, bon, check, je vais te le dire, je suis un des propriétaires de Retro Montréal. Fait que là, c'est comme gelé un peu, mais, tu sais, très vite, là, comme il s'est repris, puis ça n'a pas été long qu'il a continué à tout dire ça. Tu sais, là, je dis, check, il n'y a pas de ticket, là, puis il n'y a pas de contravention, puis la police n'est jamais venue chez nous, autre, sauf pour acheter des choses, tu sais. Il dit, non, là, je le sais, là. C'est comme, d'où? Tu sais, bon, là, malgré que le propriétaire est devant lui, il dit, cela n'est pas arrivé, ça ne fait aucun sens ce que tu dis. Il dit, non, tu te trompes, c'est arrivé, je le sais, tu sais. Ah ouais, puis là, c'est fou, là, tu sais. Il arrêtait pas de peser, là, il arrêtait pas d'en remettre, là. Puis là, bien sûr, c'est que, non, mais moi, j'ai rien contre toi, là. Je vais juste dire, tu sais, ce qu'on dit. Je suis déjà allé, là, puis ton employé, là, il a fait ci, puis il a fait ça. Puis, hey, c'était que de la bullshit, là, tu sais, que de la bullshit. Puis, c'est fou, j'avais l'impression de c'était comme parler avec un complotiste, là, tellement dans sa tête, tu sais, des affaires. Ça avait, moi, j'avais pas raison de rien, tu sais. Fait que, de toute façon, j'étais pas là pour avoir raison. Je voulais juste voir qu'est-ce qu'il allait dire, tu sais. Mais c'est ça. Je trouve ça mal. Puis ça fait, tu sais, je m'en crisse, là. J'y ai serré la main à la fin. Je suis comme, check, man, sans rancune, pense ce que tu veux. Par contre, ça serait agréable que t'arrêtes de dire aux gens qu'on est des crosseurs, là, tu sais. C'est un peu de la diffamation, ça. Puis, en tout cas. Mais c'est ça, c'est fascinant, tu sais. Puis, c'est triste d'une certaine façon parce que Retro Montréal. C'est Joe puis Fred, tu sais, qui vendaient des jeux ensemble, qui travaillaient fort là-dedans, puis un peu d'eBay, puis faisaient vendre le garage. Puis moi, j'avais envie de retourner là-dedans parce que j'avais arrêté de faire de la vente parce que j'avais ouvert l'arcade. Puis là, l'arcade, elle fonctionne toute seule, puis ça allait bien. Fait que j'avais envie de revenir un peu dans la vente de jeux parce que j'ai tout le temps aimé ça, tu sais, ramasser, collectionner, puis faire la vente de jeux, faire rouler ça. Et puis j'ai vu que c'est Fred puis Joe, il y avait déjà un bon système en ligne. Et sur eBay, parce qu'en ligne, c'est le futur. Là, avant de faire quoi que ce soit, clairement, qu'il faut commencer par faire du en ligne. Puis je voyais qu'il le faisait déjà, puis qu'il savait qu'est-ce qu'il faisait, Joe et Fred. Je suis comme, ah, gars, je suis embarqué dans votre projet. T'sais. C'est juste de même que ça a commencé. Puis moi, j'ai amené un peu de popularité, là, si je peux dire. Là. Pas que les gars n'étaient pas populaires, mais j'avais déjà du monde qui me suivait pas mal. À cause de l'arcade, puis toutes des affaires, papa cassette, tu sais. Fait que là, puis eux, il y avait l'expérience, tout ça. Fait que tout ça mis ensemble, tu sais, ça l'a poussé le projet un petit peu plus loin. Et puis, on a tout continué de travailler là-dessus, avec nos jobs, dans nos sous-sols, à faire du shipping, puis on a grindé en tabarnak, là. Il n'y a rien qui nous est tombé du ciel, là, nous autres, là. On a travaillé en esti pour ça. Puis, à un moment donné, on s'est dit, hey, ce serait peut-être le temps de le faire, là, avoir notre magasin, on va voir ce que ça fait, tu sais. Puis, on s'est juste pitché de même, là. On n'a pas réfléchi ben plus longtemps à ça. On a magasiné locaux, on a magasiné des patentes, on a racheté, tu sais, comme il y avait un. J'ai racheté du matériel d'un Vidéotron, puis tout ça, puis on s'est organisé, puis on l'a fait. Puis, si on a décidé de le faire, c'est qu'on savait qu'il y avait une demande, tu sais. Il y avait une demande pour ça, un magasin de jeux vidéo spécialisés. Puis le gars du Pawn Shop, puis comme il riait de moi quand je disais qu'on était spécialisé, là, tu sais, comme, ben oui, on est spécialisé, là. Ton Mario Bros, ton Super Mario que t'as sur le mur ici, là, toi, c'est Super Mario. Nous autres, il y a quatre variants à ça, là, tu sais, ta version US, ta version canadienne, puis trois screws ou five screws de chacun, sans compter qu'on fait une différence aussi s'il est usagé, s'il est magané, puis on prend même des photos pour ça. Je dis, tous tes Pokémon fake là, que tu vends ici, puis tes jeux fake, là, c'est pas spécialisé, là. Tu vends des affaires illégales, tu sais. Fait que, puis tu sais, comme, on a 4 personnes à temps plein qui checkent les prix, puis qui mettent ça en ligne. On est spécialisé, tu sais. Nos employés ne peuvent pas être spécialisés en tout et avoir toutes les connaissances des jeux vidéo, moi le premier, tu sais. Puis les employés, ils changent, tout ça, faut qu'ils réapprennent. Ça, on peut pas maîtriser ça à 100%, ça fait partie de la game. Mais à la base, la façon qu'on a construit cette entreprise-là, c'est avec le désir d'offrir quelque chose de level collectionneur. T'sais. Nos jeux, ils sont propres, là. Ils sont très propres. Là. Partout où je vais, il n'y a pas une place, je te le dis, qui mette autant de cash à faire. Puis c'est peut-être nous autres les épais là-dedans. Là. L'avenir nous le dira, mais à date, je pense que ça nous distingue. Qui mettent autant de cash à payer du monde pour nettoyer des jeux. T'sais. Fait que c'est important pour nous, ça. Là. Fait que, bref, pour venir au projet, on voulait lancer ça de même, c'est tout ce qu'on a fait. Puis il y avait une demande qu'on mesurait mal parce qu'elle était beaucoup plus grande qu'on pensait. Fait que tout est allé super vite. Et c'est pour ça que l'entreprise en monte tout le temps. C'est pas parce qu'on crosse du monde ou qu'on invente des stratagèmes ou que, tu sais, voyons donc. Ça, là, c'est ça qui est triste pour revenir à ça. C'est cette mentalité que dans la vie, au Québec, tu peux pas réussir de quoi sans être un crosseur. Tu peux pas faire de l'argent sans crosser le monde. Tu peux pas comme bâtir de quoi de passion. J'ai dit ça, il me riait dans la face. J'ai dit, dude, c'est un projet passionnel, ça, là. On collectionne les jeux depuis tellement longtemps. C'est quelque chose qu'on voulait essayer, tu sais. Puis on verra ce que ça fait. Puis on pensait pas, tu sais, au futur. T'sais. Nous autres, on a loué un local, là, puis comme... Chris, avec les ventes qu'on a là, dans le temps, puis le local qu'on loue, il va falloir en vendre des cassettes, là. Comme Master, ces chiffres-là, c'est de la dérision, là. C'est rien, là, tu sais, comparé à ce que c'est aujourd'hui, puis ce qu'on s'essaye de faire. Donc, c'est ça. Puis tout ça, c'est que la demande est là, c'est tout. Le monde, ils nous vendent leurs jeux, on les gère, on les revend, ils sont contents, tout le monde est content, on donne de l'argent, on offre un service, on essaye le service de réparation, ça marche pas, on le ferme, on essaye des choses, tu sais, puis on travaille là-dedans. On emploie 15 personnes, tu sais. Ça, c'est 13 personnes de plus qu'au début, là, tu sais. On loue 2 places, on prend des biens usagés qu'on revend avec des taxes, tu sais. Le gouvernement, il fait des taxes. Il fait encore des taxes sur des biens qui ont été déjà vendus plusieurs fois, comprends-tu? On offre quelque chose. T'sais. Puis on crosse. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait crosser le monde puis être encore ouvert, t'sais. Une place de crosseur, là, t'sais. Chris, il y a un problème, on rembourse, on est à l'écoute, on répond à tous les messages, t'sais. Le monde dit, t'sais, on répond, pas de problème, merci, bonjour, t'sais. Une étoile à cause de là, je t'allais. Tu sais, il y a du monde, genre, qui pense que tout leur est dû, qui fait que quand on drop la balle sur une affaire, puis l'autre, comme, oh my god, je suis désolé, tu sais, telle affaire, tu sais, ça fait partie de la game. Mais le service à clientèle, là, et on l'a à cœur, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ce que je constate en parlant, quand ce gars-là, il me dégueule sur mon entreprise, c'est que c'est comme un. Puis lui, puis ses chums, tu sais, puis ces gens-là, en fait, au final, ils sont fâchés parce qu'on prend des parts de marché, tu sais, on leur enlève de la baisse. C'est ça qu'il m'a dit. Puis, donc, oui, si c'est ça qui arrive, je peux le comprendre. Qu'on te fait perdre la business, puis ça fait chier. Je comprends ça. Ça, c'est humain, c'est normal, c'est un réflexe. That's it. Mais on est dans un marché libre, tu sais, je veux dire, j'ai le droit d'ouvrir une entreprise spécialisée de jeux vidéo. Puis toi, t'es un pawn shop, puis t'as des jeux vidéo dans ton pawn shop, puis t'as des chainsaws, puis tu sais, comme. Fait que chacun ses affaires, là, tu sais. Puis moi, je vais faire tout mon possible, tout le temps, pour promouvoir cette entreprise-là, dire comment est-ce que c'est cool, puis venez, puis on a du stock, tu sais, puis on va grossir, tu sais. Puis ça, c'est pas faire mon frais, c'est pousser mon entreprise sur la map, là, tu sais. Puis j'ai le droit d'être fier aussi. On est tous fiers de ce qu'on accomplit avec ça, on est jusqu'à la date. Puis on prend rien pour acquis, là, tu sais, comme ce qu'on va essayer de faire, peut-être que ça va crasher, tu sais, je sais pas, tu sais, ça nous rend nerveux, tu sais, comme on se jette à l'eau encore une fois, on remet nos couilles sur la table, tu sais, puis ça prend du gars de faire ça, là, c'est de l'argent, puis c'est essayer de pousser tes rêves, tu sais. Puis tout ça, je trouve ça très honorable. Puis n'importe qui a une business, tu sais, qui fait ça, puis qui pousse ses affaires, qui met son cœur là-dedans, puis tout ça, je trouve ça merveilleux. Tu sais, pourquoi les gens ils chient là-dessus? C'est comme, ah, il a réussi, c'est de la merde. Puis, tu sais, on n'a pas, comme je dis, on n'a pas réussi. Là. Comme, le nouveau départ, ish, qu'on va faire, c'est beaucoup plus grand que d'avoir ouvert le magasin au départ. Là, tu sais, c'est plus stressant, mettons. Fait que, puis l'arcade, tu sais, comme, man. Hey, j'ai hypothéqué ma maison pour ouvrir ça, là, tu sais. Peut-être personne serait venu, tu sais. Qui sait? Mais ils sautent dans le vide. J'ai pas crossé personne, moi, là. Fait que, c'est ça. Je comprends si c'est vrai qu'on leur fait perdre la business, comme fâchant pour eux, puis eux autres, le réflexe, c'est de chier sur nous autres, mais ça devrait pas, tu sais. Leur business est pas fermé, à ce que je cherche, là, ça. Ça vient de regrosser, là-dedans. Ils ont du stock, il y avait plein de consoles, tu sais. Ils continuent à rouler, là. Les autres boutiques là, à Montréal, puis ça arrive sud, tout ça, ils sont toutes ouvertes puis ils roulent autant qu'avant. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde sans chier sur les autres, là, tu sais. Fait que c'est comme un réflexe, ça, de marde, là, de chier, genre, sur les réussites des autres, là, tu sais, parce que t'es malheureux ou je sais pas quoi. Fait que c'est bien triste. Puis anyway, tu sais, comme je veux dire, à un moment donné, je suis sorti de, comme bail, sans rancune, puis je suis parti parce que. Il y a pas de fin à ça, tu sais, c'est comme je dis, c'est comme discuter avec un complotiste, tu sais, comme, il est tellement dans sa tête, ça donne rien, t'as beau y dire, j'aurais beau y expliquer tout ce que je viens de vous dire là, comme il aurait pas arrêté de me dire l'inverse, tu sais, fait que voilà. Donc, mais c'était une aventure assez cocasse quand même de me faire dire comment moi j'ai monté ma business, puis que j'ai crossé le monde pour réussir tout ça, puis de à quel point on fait ci, on fait ça, dans ma face, dans mes yeux. Donc, c'était quelque chose. Mais bon, ça, il y en a, puis ça fait partie de la game, I guess. Mais j'essaie de pas prendre plus de temps. Mais c'est sûr que ça... Je veux dire, moi, je suis pas neutre par rapport à ça, au sens que ça me blesse, là. Tu sais, ça me blesse pas, genre, « Oh, on a pas le sac! » Je suis comme, « Hein? » Il y a des gens qui pensent ça, tu sais, c'est blessant. Je suis pas 100% froid par rapport à tout ce qu'il m'a dit. Je suis comme, ben, tu sais, non, là, j'y ai pensé, là. J'ai pensé à ça pendant la semaine. Je suis comme, hein, puis là, je suis comme, Chris, tu sais, ça m'atteint. C'est sûr que ça m'atteint de me faire dire des affaires de même. Chaque fois qu'il y a des affaires méchantes, ça m'atteint. Puis, c'est pas juste moi, là, n'importe qui là, qui se fait attaquer ou qui se fait dire des affaires. Vous pensez que vous atteignez pas les gens? Que ça soit la grosse vedette ou le petit papa cassette, vous atteignez les gens, tu sais. Fait que pensez-y, c'est peut-être pas... comme parlez-nous d'un... s'il y a de quoi qui va pas, dis-moi-les, puis on va jaser, tu sais. Mais c'est ça. C'est spécial, puis c'est triste. Je trouve ça juste triste, au final. Mais ce qui est pas triste, c'est que... Ben là, c'est triste parce que le show est fini. Donc, c'est triste. Mais ce qui est pas triste, c'est que c'est Noël, et puis ce fut une belle année quand même en ce qui me concerne, là, une année chargée, occupée au retour de la COVID, mais c'est vibrant, et puis 2023, qui est un chiffre un peu bâtard, là. Je vais avoir 43 ans d'ailleurs, moi c'est le dernier chiffre de mon âge, je suis les années. Donc, 43, et puis, des fois, je me sens vieux, mais je suis comme, j'essaie de faire du sport, puis me garder vivant, puis tout, puis mieux manger. Donc, ce qui n'est pas le cas présentement, en fait. Mais voilà, donc, il y a bien du plaisir à venir encore, et puis 2023, ça va être vraiment le fun. Vraiment, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses, beaucoup de défis. Professionnel, personnel, ça roule. Les enfants, tu sais, comme ça roule. Puis c'est bien. Parce que je suis rendu là, c'est le fun. Les enfants sont vieux, fait que je suis plus comme la garderie, la gastro, tu sais, comme j'ai fini ça depuis un bout. Fait que j'ai d'autres dossiers. Maintenant, c'est des affaires d'ado qu'il faut que je gère. Mais c'est correct. On est rendu là. Donc, c'est le cycle de la vie, comme dirait le roi Lion. Mais oui, donc ce fut une bonne année, et puis 2023, ça va être très, très, très plaisant. J'ai hâte de voir, vraiment, j'espère que tout va marcher, puis qu'on va être en mesure de vous offrir de quoi, d'épatant, vraiment. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent toute l'année. Et puis, merci d'écouter ce podcast. Et puis, je sais que j'en fais moins, mais des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Je sais pas. Des fois, j'ai rien à dire. Des fois, je suis trop occupé. Mais j'essaie vraiment de vous parler dès que je peux, puis surtout quand je le sens. Et puis, à matin, ben, c'était parfait. J'avais le temps. Et puis, ça me fait bien plaisir de vous offrir ça avant de partir. Donc, merci encore à tout le monde. Puis, sachez que tous les commentaires, tu sais, comme il y en a qui m'écrivent, puis, c'est cool, lâche pas ton podcast, tes affaires. Tu sais, autant je parlais des méchants qui m'atteignent, autant que ces jolis commentaires-là, tu sais, on les oublie. Tu sais, c'est ça, hein? Tout ce qui est négatif, ça perturbe plus que le positif. Mais d'un autre côté, il y a tellement du positif, tu sais, tellement plus. Puis, les bons commentaires sont comme. Il m'habite là, bien plus que ces niaiseries-là. Donc, sachez que ça me fait très plaisir, toujours. Et puis, quand je croise des gens, tout ça, c'est vraiment très, très apprécié. Vraiment. Donc, joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne année, parce qu'on se reparlera pas. Je ne vous reparlerai pas en podcast avant l'année prochaine. Donc, merci beaucoup, vraiment. Bonne année, puis amusez-vous bien avec vos proches.